et dire qu'il faut bientôt partir. J'avais encore des choses à dire, à écrire. Là-bas j'ai vu les filles mentir, user de leur corps pour survivre, pour s'enfuir. Je ne suis pas de ce qu'on voit, donner quelques francs CFA pour te voir. Pourquoi en être arrivé là? Sommes-nous les maîtres du pouvoir et des lois? Mais pas pour toi. Oh, pardonne-moi encore. Oh, pardonne-moi. Comment les miens ont pu oser prendre les tiens pour des poupées tant d'années? Bien sûr, tu n'as rien oublié de ceux qui vous ont humilié et changé. Un jour, il faudra bien te dire que tu dois vivre pour l'avenir sans mépris. Je sais que ça n'a rien de facile, effacer tous ces souvenirs impossibles. Oh, impossible.